une histoire particulière. Dernier jour de l'année, dernière histoire particulière. Je pourrais vous souhaiter déjà une bonne année, mais ce serait péché, car nous n'avons pas terminé l'exploration de notre péché de gourmandise. Hier, nos explorateurs du goût, Michel Pomarède et François Test, nous ont fait découvrir de bien curieuses pâtisseries. Est-ce qu'il y a sur votre table du réveillon ces petites pâtisseries japonaises, les dorayaki ? J'ai tellement salivé que je vais certainement les goûter. C'est sur ma liste de mes résolutions 2018. En attendant, revenons aux fondamentaux. Se régaler, en famille, ce sont des valeurs simples et sûres. Toutes les équipes d'une histoire particulière vous souhaitent une très belle fête de fin d'année en compagnie du deuxième épisode du Péché de gourmandise. Les recettes du plaisir. La cuisine pour les hommes. Ou presque. Michel Pomarède, François Test. Bœuf, araignée de mer et caviar. Royal d'araignée de mer. Cœur de filet de bœuf de Salers. Au caviar, au cirque. Petite quenelle au caviar pressé. Galette de blé noir au navet blanc. Premier ingrédient. Archives INA, 1954, Raymond Oliver. Des crêpes. Mais oui, mais enfin, les crêpes, c'est très simple. Enfin, tout le monde sait faire ça. Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. On commence par de la vanille. Tout son arôme. Tout son arôme. Ah, oui. Du sel. Et deux grosses pincées ou quatre petites pincées. Du sucre, je vais mettre environ 4 cuillerées à bouche. Et vous voyez ça comme ça? Oui. Coup d'œil, vous. Un quart de litre de lait environ. De la farine, voyez-vous? Je vais la placer en puits et je vais en mettre environ 400 grammes. Et vous voyez ça à vue de nez, naturellement? Oui, à vue de nez. De l'huile, voyez-vous? Combien? Environ 2 cuillerées à soupe. Des œufs, je vais en mettre 8. On va travailler quelques minutes pour qu'elle soit bien, bien lisse. Elle souffle un petit peu, elle est bien. Mon lait? Lait vanillé. Vanillé et lequel est très, très chaud. Vous préparez quelle quantité de beurre? Centaine de grammes environ. Deuxième ingrédient. Petit-fils, Bruno Oliver. Oui, oui, c'est mon grand-père. Et là, j'en suis fier. Et j'en ai toujours été fier, mais plus particulièrement, quand 60 années après, vous nous passez donc un moment de télévision, un moment magnifique, où il est encore là, bien vivant, et avec cette joie de vivre extraordinaire. 1954-1968, Raymond Oliver. Il est dans le petit écran avec Catherine Langer à ses côtés. D'abord, ça s'appelle « Les cuisines du chef » et après, ça devient « Art et magie de la cuisine ». Et c'est en fait une star, votre grand-père, à la télé. Oui, c'est devenu une star très rapidement, on va dire presque par accident, parce qu'il a été invité par les dirigeants de la télé. Il y avait un magicien qui ne s'était pas présenté et ils mangeaient au Grand Véfour et ils ont dit « Raymond, si tu as un peu de liberté, viens à la télé et fais-nous une recette ». Raymond a accepté et ça a duré un long moment sur la seule chaîne de télévision, en noir et blanc, et c'est devenu un personnage familier qu'on invitait à la maison, qu'on prenait du plaisir à retrouver, et qui chaque fois éblouissait par sa faconde, son côté chat, il retombait tout le temps sur ses pattes, il n'était jamais pris de court, et il ne peut susciter que notre admiration, ceux qui avons fait un peu de télé et de radio, parce qu'il travaillait sans filet, c'est-à-dire que tout était en direct quand même. Voilà, maintenant nous allons ajouter le parfum, car la vanille... Ça n'est pas parfumé ? Non. Dany, n'est-ce pas? Ouh là là! Oui, il faut en mettre beaucoup. C'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ trois fois plus ou deux fois plus que je n'ai mis Dany. C'est-à-dire un tiers environ Dany, deux tiers de rhum. Et en tout? Et en tout, ça doit donner un très grand verre à vin. Un très grand verre à vin de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin d'un quart de litre. La recette de Raymond, donc cette retransmission qu'on peut visualiser aujourd'hui grâce à l'INA, ça a eu un succès fou, mais est-ce que c'est une recette digne de... Enfin, dans les règles de l'art, on pourrait dire. Bah non, Ah non, quand même. Alors, si vous imaginez aujourd'hui un restaurateur 3 étoiles, quand même, c'est-à-dire c'est le sommet, faisant une recette aussi transgressive, provocatrice, drôle, et une recette quand même pour ceux qui aiment faire la fête. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une profession de foi. Hein. C'est-à-dire, suivez-moi un peu dans mes excès et vous n'en souffrirez pas. Donc, soyez fous, vivez avant toute chose, mangez, jouissez de toutes les manières possibles, et la nourriture, la bouche, ça en fait partie. Donc, 1954-1968, Raymond Oliver fait l'Access Prime Time, on dirait, parce que c'est avant le journal télévisé qu'on découvre les recettes de votre grand-père. Oui, c'est ça, oui. 68, tout ça bascule, mais avant, en 1959, il y a une autre émission, moins connue, c'est La Cuisine pour les Hommes. Pourquoi La Cuisine pour les Hommes ? Eh bien, parce que je pense que les hommes sont un peu déshérités dans la vie. Vous savez, on leur donne beaucoup de choses à faire quelquefois, parce qu'ils ne font pas la cuisine que pour s'amuser. Il y a des moments où ils font la cuisine aussi pour rendre service à leur femme, ce qui arrive même assez fréquemment. Ça peut. Et alors, je voudrais que lorsque la femme a laissé un tout petit morceau de papier en disant « Fais cuire les sols pour les enfants, et tu les trouveras dans le réfrigérateur », il faut tout de même qu'ils sachent comment il faut faire cuire ces sols. Parce que cuire des sols, c'est quand même un problème. Alors, je voudrais aider ces hommes très déshérités, comme j'essayais de vous le dire tout à l'heure. Eh bien, je voudrais essayer de les aider. Je voudrais essayer de les aider en leur expliquant comment se font les choses les plus simples et plus petit à petit. Vous allez faire de la cuisine simple ? Extrêmement simple. Là, on découvre que Raymond Oliver s'adresse à la gente masculine qui veut cuisiner. Et il donne pas que des recettes, il donne quasiment un mode d'emploi de qu'est-ce que c'est que la cuisine pour les hommes. C'est pour le plaisir. L'homme cuisine pour le plaisir. Est-ce que c'est ça que votre grand-père vous a transmis, Bruno Oliver ? Essentiellement, alors ça a de la portée ce que vous dites. Bon, ensuite c'est devenu un très joli livre, La cuisine pour les hommes. Et effectivement, transmettre cette cuisine pour le plaisir, c'est aussi, et c'était bien de l'époque, de se démarquer de la cuisine obligatoire que l'on faisait dans les foyers. Et c'était les femmes qui s'y collaient. Donc d'un art de dire, nous les hommes, on fait ça pour nous faire plaisir, pour rigoler, pour nous détendre. Et c'est vrai que c'était un peu comme ça à l'époque, même dans les restaurants, en tout cas de sa génération, c'est-à-dire sa maman, Cécile, et sa grand-mère étaient des cuisinières hors pair. Ça a un peu commencé comme ça. C'était pas véritablement un métier d'homme, et les hommes se le sont accaparés, et ils ont mis cette notion de plaisir. Aujourd'hui, on parle d'amour. C'est un bien grand mot. Le plaisir, moi, ça me va très bien. En donner, en recevoir, c'est largement suffisant pour s'impliquer dans une tâche qui, a priori, peut paraître un peu compliquée. Carré frotté d'un cahier de brebis en tandoori et timbales de riz à l'oseille pourpre. Escargot, petit gris, sauvage, lié d'un pesto de cerfeuil. Feuilles, cigarettes de chou Shanghai, panisse, deux personnes. Troisième ingrédient, évocation de Louis, l'arrière-grand-père. Plantons le décor, hôtel du Lion d'Or à Langon en Gironde, ici même, et c'est à partir de ce lieu-là que naît une génération de cuisiniers. Oui, alors absolument. En gros, c'est ça. Simplement, bon, Louis, à l'hôtel, Cécile va admirablement recevoir les clients, c'est une fonction terriblement importante. Et puis j'irai, parce que Louis, il ne sait pas compter. On n'apprenait pas ça à l'époque, quoi. Il va acheter des ortolans sur le marché des allées Maubec qui sont devant. Il les paye pratiquement de sa poche et il dit au producteur, surtout tu dis rien à ma femme. Donc il allait lui taper un peu sur les doigts. Donc c'est cette cuisine-là qui est extrêmement généreuse, dans laquelle on s'implique, dans laquelle on veut faire plaisir. C'est ça que Louis a transmis à Raymond. C'est ça que Raymond a transmis à Michel et ainsi de suite. Quatrième ingrédient, la fille de Michel, la sœur de Bruno, Clémentine. Ah ben moi j'étais garçon manqué hein. Et j'ai toujours grandi dans les jupes entre guillemets, enfin ce n'est pas possible, mais dans le tablier de mon père, je traînais toujours à regarder ce qui se passait, tout ça, mais j'évitais soigneusement de me mettre dans le métier par la trouille totale et absolue de ces immenses ascendants pour lesquels j'ai infiniment de respect, et donc j'avais pris un parcours absolument différent, j'avais évité, j'étais psy, je me suis spécialisée avec les enfants autistes et les enfants qui avaient des maladies rares à expression psychiatrique, et puis je me suis aussi formée, j'ai aussi eu un parcours de psychothérapeute dans mon métier pendant 15 ans. Clémentine Oliver, racontez-moi cet appel de la gourmandise finalement qui vous a pris un jour. Le manque. Je suis très gourmande, j'ai toujours été très gourmande. Et les repas de famille chez nous, ils durent... On commence à 1h, à 5h, on est toujours à table, à traîner, à discuter. Et puis on partage, on discute, c'est le moment où on est tous ensemble. Et on partage. Et me retrouve, quand j'ai découvert que j'étais intolérante au gluten, pendant 10 ans j'ai souffert, je ne savais pas de quoi. Et à 37 ans, on m'a dit, c'est le gluten. Moi, quand on m'a dit c'est ça, j'ai dit glu-quoi. Et quand j'ai arrêté, toutes les douleurs se sont arrêtées. Alors j'étais au stade 2 sur 3 de la douleur. Toutes les douleurs se sont arrêtées. J'ai repris ma santé, ma forme, tout était à nouveau normal et j'ai dit bon bah il faut bien que je me résolve à l'arrêter vraiment. Mais j'arrivais pas à être heureuse parce que le pain me manquait énormément. Je bavais devant le cake au citron de famille, je bavais devant les baguettes, je bavais et puis j'avais mon pauvre petit truc et je dis mais c'est pas ça la vie c'est la générosité, le partage, être ensemble. Et donc c'est là que l'idée m'est venue puisque papa lui quand il me faisait des repas le dimanche il me faisait évidemment sans gluten et c'était bon. Donc c'était le seul endroit où je trouvais quelque chose de vraiment bon. Et l'idée m'est venue de faire des recettes avec lui. Seulement, je n'étais pas du tout du métier. Donc j'avais évidemment vachement la trouille. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu serais OK ? Moi, j'étais sûre qu'il allait redire non. Mais il m'a dit, oui. Bon, tu vas devoir bosser. Cinquième ingrédient. Michel, le père de Clémentine et de Bruno. Regardez devant moi, j'ai de la levure du boulanger. Le paquet de levure du boulanger pèse 40 grammes. J'en prends un peu moins de la moitié, c'est-à-dire 15 grammes, que je mets ici dans un petit, un petit saladier, n'importe quoi. Et devant moi, j'ai de l'eau tiède. J'ajoute une belle cuillère à soupe d'eau tiède dans cette levure. Et puis, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais commencer à mélanger le tout. Et puis, l'amour de la pâte est arrivé. Il y a une sensualité dans la pâte quand je la touche. Comment dire, elle me parle. Je sens quand est-ce qu'elle a besoin d'être plus travaillée, quand elle a besoin de plus pousser. J'entends pas de voix, je rassure mes confrères et consoeurs psy de l'époque. Mais elle me parle, elle vibre la pâte. Et surtout la levure, puisqu'elle est vivante. Et on aime toucher la pâte, on appelle des toucheurs de pâte. On aime toucher la pâte ou on n'aime pas. Et moi, j'adore ça. Donc, quand je façonne tous mes pains à la main, je trouve que ce qu'on touche, c'est la continuité de nous-mêmes. Et c'est là que j'ai compris que j'allais me destiner vers autre chose. Donc, le parcours a été long, j'ai continué. Je me suis inscrite en candidat libre par la ville de Paris pour passer le CAP cuisine. Et je me suis aussi préparée au CAP pâtisserie. J'ai passé le CAP cuisine parce qu'on peut passer qu'un CAP par an. Je me suis formée chez Christian Constant aux Cocottes où j'étais... hyper heureuse, mais j'ai appris énormément. Et dès que j'ai eu le CAP, le 7 juillet 2014, j'ai eu le résultat à 11h30. À 14h, je donnais ma disponibilité dans le bureau de la direction et j'ai monté ma société et j'ai quitté. Bruno Oliver, dans votre livre aussi consacré à la cuisine de votre grand-père, il y a un autoportrait de vous en trois adjectifs. Cueilleur, pêcheur, chasseur. Alors, on va aller dans votre cuisine et vous allez nous décliner ce triptyque cueilleur, chasseur, pêcheur. Sixième ingrédient, la recette de Bruno. Là, vous voyez les produits de notre terroir, c'est-à-dire que cueilleur, voilà, ce sont ces merveilleux petits cèpes. Regardez comme il est joli. On dirait un peu un paysan basque. Avec le béret, le petit ventre, on voit qu'à l'époque, il peut pousser en mêlée, quoi, à la limite. Donc c'est déjà terriblement beau. Pêcheur, c'est plutôt Alexandre, j'aime ça, mais c'est un peu trop passif pour moi. Alexandre est un formidable pêcheur, mon fils. Chasseur, bah, tout simplement, alors ça paraît un peu radical aujourd'hui, un peu violent. Simplement, si vous voulez, il y a la chasse, c'est avant tout une manière, une méditation. Nous avons tous ça en commun, cet amour inconditionnel de la nature qui nous nourrit. Quand on parle de gastronomie, on parle de gibier, on parle de champignons, on parle de poissons sauvages. La recette de ce soir, c'est quoi ? On a le persil du jardin, on a des œufs fermiers, on a des cèpes. On va faire une omelette aux cèpes et on va voir que effectivement, dans ce côté, on peut penser qu'on est au plus simple et en fait, on est au plus compliqué. Action. Action. Alors voilà maintenant la liste des ingrédients. Il vous faut avoir du beurre, de l'huile, du sucre, 6 œufs pour une petite omelette, du pastis bien sûr, et du piment de Cayenne en poudre. Vous avez tout ça, alors on y va. Dans la famille Oliver, l'œuf a l'air d'être un élément ou un aliment important. Racontez-moi, vous, votre rapport à l'œuf. Vous venez de dire, vous avez parlé d'omelette, c'est fabuleux, parce que c'est exactement, c'est ce que faisait comme test mon arrière-grand-père quand il engageait quelqu'un, il lui faisait faire une omelette. Dans la famille, l'omelette, c'est fabuleux. Et l'œuf, et chez nous, pour mon père aussi, surtout mon papa, un élément magique. Donc, on a ces champignons magiques. On va les couper un peu à 1 cm. Ça, c'est très important. Parce qu'à 1 cm, ils vont garder de la fibre. Ils ne vont pas se diluer, ils ne vont pas se gorger de gras. On met la poêle en route. Alors, poêle très importante, parce que ça sera la poêle à cèpe. Donc, c'est une poêle culottée. On va mettre la valeur de 2 cuillères à soupe d'huile. Et on va positionner la cuisson pour l'instant sur feu doux, et on va faire cuire à peu près 7-8 minutes de chaque côté. Alors vous l'avez compris, c'est une cuisson douce. C'est comme les viandes blanches, c'est comme le veau, c'est comme les légumes, il ne faut pas les violer, hein. Il faut y aller tout doux. Ah, ça commence à chanter, voilà. Ça c'est bien, ça, c'est... donc ça nous parle. Et pendant ce temps-là, on va casser les œufs. Alors, très important, les œufs. Il va falloir en compter 2 par personne, plus 1. C'est-à-dire que si on est seul, ça sera 3. Si on est 2, ça sera 5, ainsi de suite. Et ça sera pareil d'ailleurs pour l'assaisonnement, vous allez voir. Donc, allons-y avec les œufs. Alors là, je vais procéder, comme disait Raymond tout à l'heure avec les crêpes. Alors, 4 pincées de sel, soit des petites pincées, soit 2 grosses. Alors là, on va mettre des petites pincées parce que regardez, c'est une pincée de sel par œuf. Voilà. Voilà. Et puis, bien sûr, on met toujours une pincée pour la poêle. Ça, c'est très important. On va regarder les cèpes où ils en sont parce que ça doit faire 2-3 minutes. Normalement, ça doit commencer. Vous voyez, ça prend tout doucement une petite couleur. Voilà. C'est bien ça qu'on veut. Donc là, c'est parfait. On va retourner à nos œufs. Et maintenant, une opération qui est alors typiquement, je dirais, langonnaise. Il faut poivrer beaucoup l'omelette. Ainsi, on va amener ce petit brin de folie supplémentaire. Donc on va parler là d'une bonne pincée. Mais alors, une bonne pincée de poivre noir, c'est-à-dire du poivre avec l'écorce. Voilà, regardez. Et ça semble beaucoup quand même. Hein. On ne voit plus l'œuf. C'est vrai, en tout cas, on ne le voit plus beaucoup. Donc là, on est bien. On va émulsionner. Alors avant, j'ai quand même... Voilà, ce persil est magnifique. C'est du persil plat du jardin. Il ne rentrera pas d'ail dans cette omelette. On ne veut pas tuer le goût ni du champignon, ni de l'œuf. Donc on ne va mettre que ce persil plat. Vous voyez que je suis en train d'émincer très facilement. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est vert. Un bol très important, mon grand-père m'aurait engueulé là, parce qu'il me dit « Il faut un bol en terre, petit !» Il n'est pas en terre, mais il va faire la blague, et on va essayer de battre les œufs en aérant au maximum. Vous voyez ce mouvement circulaire ? Vous voyez ? C'est celui-là qu'il nous faut. Voilà. C'est un mouvement important, vous voyez, on fait... Regardez là, si c'est beau, la volute que font les œufs, les jaunes se mélangent, c'est parfait. Là, on a notre truc. Donc, vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Vous l'avez en direct. Et maintenant, on va passer à la confection de l'omelette. Nos cèpes sont quasiment prêts. Je les retourne maintenant pour leur assurer une cuisson supplémentaire. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais qu'ils restent un peu al dente. Donc ça, c'est important. Regardez si c'est beau. Hein ? Les œufs battus, versez le tout dans une poêle chaude, puis avec une spatule en bois, vous rassemblez ce qui est cuit, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, pour faire comme un feuilleté. Alors, lorsqu'il ne reste qu'un peu d'œuf liquide, vous retournez pour faire cuire l'autre côté. Et voilà. Ah ouais, ouais, mais toi, ça c'est certain. Archivina, 1982, Michel, le père de Bruno. Non, madame, mademoiselle, monsieur, ça n'est pas de gin tonique. C'est votre émission préférée. Votre émission qui... Bonne année d'abord, qui ayant lieu un 1er janvier à midi et quart, alors que vous êtes comme moi en robe de chambre. Il n'est pas question que je vous fasse de la cuisine. Par contre, je voudrais vous adresser quelques reproches. Ça a été bien la fin de l'année, hein ? Vous en avez mangé de la dinde, vous en avez mangé des marrons, vous en avez mangé du chocolat, oh le chocolat, vous en avez mangé, enfin, tout ce qui est lourd, tout ce qui est riche, et puis le champagne, et puis les alcools, c'est bon tout ça, hein? Et est-ce que vous rentrez toujours dans votre pantalon? Dites-moi la vérité, pas vraiment, non? Votre père, Michel, est aussi passé à la télévision, et il y a une archive aussi que j'ai retrouvée, où on le voit 31 décembre en peignoir. Et tout d'un coup, on découvre l'aspect comédien du cuisinier. Est-ce qu'il vous a transmis ça aussi ? Ah, mon père, effectivement, lui, c'était le deuxième cuisinier à avoir fait la télé. Entre-temps, entre mon grand-père et mon père, il n'y a eu personne. Et lui, mon père, est extrêmement minutieux. Il a l'habitude de faire minimum 3 essais de préparation pour mettre au point et 3 essais de confirmation. Et quand il faisait ses émissions, c'était pareil. Il faisait 3 répétitions et ensuite... Il retravaillait, donc tout était très tramé et il avait toujours des invités qui, eux, n'étaient pas du métier pour justement se mettre à la portée du public et être très didactique, ce qui fait que ses recettes sont ratables quand on les suit. Et il m'a transmis ça. Il m'a transmis le fait que quand on fait des recettes, puisqu'on a fait des vidéos sur YouTube, et c'est mon père qui me filmait et qui m'a entièrement coaché, notamment pour découper les légumes quand on coupe pour que ce soit pas comme on coupe d'habitude, mais et quand on verse, que ce soit pas comme d'habitude vers nous, mais vers la caméra. Il m'a tout appris, on peut dire. C'est pas beau, ça ? Écoutez-moi ça. Voilà. Là, c'est reparti. C'est très, très chaud. Et maintenant, nous allons rajouter le persil qui va prendre sa crépite. Voilà, je verse les œufs. Écoutez, ça change de son. Ça souffle un peu. Voilà. Donc là... Nous avons tout autour, on voit que ça commence à se coaguler. Et maintenant, il faut travailler avec force et vigueur. Regardez, ce mouvement de la poêle d'avant en arrière. Et avec la spatule, on va promener la spatule au milieu de l'omelette, de façon à faire comme si on voulait faire des œufs brouillés. Regardez la beauté des cèpes qui sont par-dessus. On va pouvoir la tourner. Donc, je prends la queue de la poêle de la main gauche, et avec la spatule... Je vais retourner l'omelette, comme ça, vous voyez, je la roule, ça c'est très important, voilà, donc là, elle a pris à peu près sa forme, à peu près, on va la dorer, on va la laisser encore sur feu vif pendant à peu près une vingtaine de secondes, maintenant qu'elle est roulée, et regardez ce mouvement, il est très rigolo, je tape avec le poing sur la queue de la poêle, et voilà, et là, elle s'est roulée de l'autre côté. Alors ça, c'est mystérieux, et ça marche très bien. Et voilà notre omelette. Voilà. Voilà. Voilà. Si c'est pas beau, ça, madame. Hein ? Septième ingrédient. Alexandre, le fils de Bruno. Alexandre, je suis dans la cuisine de votre père. Bruno, 4 générations vous regardent, vous dominent, on pourrait dire, dans la famille Oliver. Est-ce que vous avez eu le choix de faire autre chose que ce que vous faites aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que c'est une question finalement qui revient souvent à mes oreilles. J'ai envie de dire, est-ce que j'ai eu le choix? Oui, on a toujours eu le choix. Après, si mon père avait été maçon, est-ce que j'aurais bossé dans la maçonnerie? Probablement. Après, une fois plongé dedans, finalement, j'ai découvert une passion. passion qui a animé toute une famille depuis plusieurs générations, et puis voilà, quoi. Alexandre, est-ce qu'être pâtissier, c'est tuer le père ? Non, pas du tout. En fait, moi, je voulais être cuisinier. Et je trouve que, finalement, la cuisine, c'est, pour moi, c'est une plus grosse source d'inspiration que la pâtisserie. C'est juste que, avant d'être dans ce métier-là, j'étais complètement accro et obsédé par tout ce qui était artistique et graphique et les formes et les couleurs. Je passais beaucoup, même plus de temps finalement à dessiner et à faire des graffitis, à me concentrer sur les cours. Et j'ai toujours été attiré par ça. Et finalement, c'est vrai que quand j'ai commencé à entrer dans la pâtisserie, j'ai très vite compris que ce que je mettais avant sur papier, je pouvais le mettre sur une assiette. Clémentine Oliver, si la famille Oliver, c'était une recette, vous sauriez quel ingrédient ? Ah, je ne saurais pas répondre à ça. Celui qui peut prendre avec toute la famille. Je ne saurais pas lequel. Il y a beaucoup d'éléments qui font prendre, mais la levure est indispensable. Je ne sais pas si je saurais la levure. Pour faire une plage, il faut plein de grains de sable. Je ne me considère pas plus qu'un grain de sable. Clémentine Oliver, est-ce que la gourmandise, c'est un péché ? Pour moi, non. Pour moi, c'est indispensable à la vie. Pour moi, c'est... Non, à aucun moment. Puisque, enfin, moi, je ne peux pas... C'est mon moteur, la gourmandise. Si je n'avais pas été gourmande, et si je n'étais pas gourmande, je ne ferais pas tout ça. Encore aujourd'hui, je travaille depuis 7 ans sur la pâte feuilletée. J'y suis pas. Je suis pas loin, hein, mais le résultat n'est pas encore aussi beau que celui que je voudrais. J'adore ça, et je rêve de croquer dans un croissant. Je rêve de manger une galette des rois. Au moment de la galette des rois, je vous jure, je me mets derrière les bouches d'aération des boulangers qui quelquefois sont en bas, et je respire l'odeur parce que ça me manque tellement. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on ouvre une bonne bouteille de vin de Bordeaux et qu'on goûte cette omelette avec du pain de campagne, farine de meule au levain, bien sûr, grillé. Parce qu'il ne faut pas acheter d'autre pain que celui-là, c'est celui-là qui nous rappellera chaque fois notre enfance. Bruno Oliver, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Est-ce que, pour être un homme chez l'Oliver, il faut être derrière les fourneaux ? Et vous avez dit, c'est pas beau, madame. Est-ce que le péché de gourmandise, la cuisine, c'est aussi une histoire de séduction ? Votre grand-père parlait de cuisinier comme d'un comédien. Cécile, votre arrière-grand-mère, disait que dans la pâtisserie de Louis, c'était la garçonnière de Raymond. Est-ce qu'on peut allier la cuisine à la sexualité, à la séduction ? Mais très certainement. Est-ce qu'il y a une sexualité ? Mais bien sûr. Je veux dire, on ne pourra pas ici avoir... Enfin, je veux dire, si on veut vraiment une soirée de rêve, on ne peut pas imaginer que cette soirée ne commence pas par un bon repas, par partager une liqueur, une boisson, un champagne, quoi que ce soit, et sacraliser d'une certaine manière. Michel Guérard, Jean-Marie Amat, Manière, Delavenne et tous, de temps en temps, ils se penchaient en salle et ils me disaient... Tu penses qu'ils vont faire l'amour après ? Et je, oui, chef. Ah oui, oui. Ah oui, ça, c'est sûr. Hein, ils vont faire l'amour. Et pour lui, c'était encore plus important que de savoir s'ils avaient bien mangé. Donc, Bruno, quand on dit péché de gourmandise, en fait, vous l'interprétez d'abord la gourmandise dans le plat et ensuite vient le péché. D'abord, la gourmandise, c'est pas un péché. La gourmandise, ça fait partie du truc, quoi. Hein, ça fait partie de la vie. Après, je dirais, il faut un peu de modération. Et puis, je vois pas de ceux qui ont dit que c'était un péché va nous enseigner quoi que ce soit, parce qu'il faut pas oublier que ce sont eux qui ont fait les camemberts, la bénédictine, la plupart, dont Pérignon. Donc, les gars, vous l'appliquez d'abord à vous-même. Dégustation. Merci à Clémentine Bruno et Alexandre Oliver. Moi, je vais attraper une assiette. Quand même. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, une émission proposée par Michel Pomarez. Une histoire particulière, c'est fini. La bande-annonce de votre prochaine histoire est visible sur la page du site de l'émission. Je vous retrouve samedi prochain, en 2018. Nous monterons en selle pour faire un peu de sport. Après le péché de gourmandise, retour à une vie saine. Mais c'est une autre histoire.